Jacques, de son côté, s'efforçait d'arrêter au passage une longue perche. Pierre l'aida. Je maudissais l'âge qui me laissait sans force, aussi faible qu'un enfant. Mais la défense organisait un duel, trois hommes contre un fleuve. Gaspard, tenant sa poutre en arrêt, attendait les pièces de bois dont le courant faisait des béliers. Et, rudement, il les arrêtait à une courte distance des murs. Parfois, le choc était si violent qu'il tombait. À côté de lui, Jacques et Pierre manœuvraient la longue perche de façon à écarter également les épaves. Pendant près d'une heure, cette lutte inutile dura. Peu à peu, il perdait la tête, jurant, tapant, insultant l'eau. Gaspard la sabrait, comme s'il se fût pris corps à corps avec elle, la trouait de coups de pointe ainsi qu'une poitrine. Et l'eau gardait sa tranquille obstination, sans une blessure, invincible. Alors, Jacques et Pierre s'abandonnèrent sur le toit, exténués, tandis que Gaspard, dans un dernier élan, se laissait arracher par le courant sa poutre qui, à son tour, nous battit en brèche. Le combat était impossible. Marie et Véronique s'étaient jetées dans les bras l'une de l'autre. Elles répétaient, d'une voix déchirée, toujours la même phrase, une phrase épouvante que j'entends encore sans cesse à mes oreilles. « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» Rose les entourait de ses bras. Elle cherchait à les consoler, à les rassurer. Et elle-même, toute grelottante, levait sa face et criait malgré elle « Je ne veux pas mourir !» Seule, Tante Agathe ne disait rien. Elle ne priait plus, ne faisait plus le signe de la croix. Hébétée, elle promenait ses regards et tâchait encore de sourire quand elle rencontrait mes yeux. L'eau battait les tuiles maintenant. Aucun secours n'était à espérer. Nous entendions toujours des voix du côté de l'église. De lanternes de moment avaient passé au loin. Et le silence de nouveau s'élargissait. La nappe jaune étalait son immensité nue. Les gens de Saint-Ain qui possédaient des barques devaient avoir été surpris avant nous. Gaspard, cependant, continuait à rôder sur le toit. Tout d'un coup, il nous appela. Il disait « Attention, aidez-moi, tenez-moi ferme !»